إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au cours, aujourd'hui c'est le cours 34 dans l'explication de la croyance des gens de la sunna ainsi que de l'unité, les gens de la sunna et de l'unité. Et on est arrivé au passage dans lequel le cheikh Ibn Uthaymin il parle toujours bien entendu de ce qui a rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on était en train d'expliquer les attributs de l'attribut de la parole, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, une de ses attributs c'est qu'il parle, et que le Coran c'est un exemple de sa parole, hein, c'est sa parole. Et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on récite le Coran, on récite sa parole, hein, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a mentionné des preuves à ce sujet-là et on continue dans la suite de qu'est-ce qu'on a dans la suite de l'explication du cheikh Ibn Uthaymin. Le passage qu'on va lire maintenant c'est le suivant. Le cheikh Ibn Uthaymin il dit: وَنُؤْمِنُ بِكَلِمَاتِهِ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ كَلِمَاتِهِ أَتَمُّ الْكَلِمَاتِ صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ وَعَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ وحسنا في الحديث وحسنا في الحديث. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. Donc on va traduire ce passage dans la traduction de Dar al-Salam. Ils ont traduit ce passage là de la façon suivante: et nous croyons que ces paroles sont les plus parfaites, les plus véridiques dans ce qu'elle nous informe, hein, dans ce dont elle nous informe, les plus justes dans les règles religieuses qu'elle édicte et les plus belles dans leur formulation. Et Allah le Très-Haut dit, ce qui signifie, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute justice. Donc c'est une traduction qui est bien, mashallah. Et le cheikh Ibn Uthaymin maintenant il explique ce passage. Il dit: wa qawluhu wa nu'minu bi anna kalimatihi atammu al-kalimat. Kalimatullah akmal 'azza wa jal. Akmal al-kalimat fi hadhihi al-umur. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فليس في كلام الله كذب، وليس في كلام في كلماته جور، وليس في كلماته قبيح، بل كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال. إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل السياق، وإذا نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى، وإذا نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق إلى آخره. فإذا تعذر عليك فهم كلام الله تعالى فاتهم فهمك ولا تتهم الآيات، فلا تقل كيف يكون كذا وكذا مما أخبر الله به، لأنك إذا عجزت عن إدراكه فهذا لنقص فهمك، أما كلمات الله فهي تامة. Donc le cheikh il explique ici que nous croyons que les paroles d'Allah sont les plus parfaites et les plus complètes des paroles. Donc les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus parfaites dans les choses qui ont été mentionnées par la suite, c'est-à-dire dans le fait qu'elles sont véridiques, hein, les choses dont Allah nous informe sont véridiques et elles sont justes dans les règles religieuses qui sont révélées par Allah subhanahu wa ta'ala, et elles sont également les plus belles dans leur formulation. Et le cheikh il dit, il cite le verset, hein, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ici wa tammat kalimatu rabbika, ils l'ont traduit par et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute justice. Et on a dit que c'était le verset 115 dans Sourate Al-An'am. Na'am. Donc, à propos de cette traduction, on pourrait aussi clarifier ou rajouter que ça peut aussi avoir le sens de, hein, de la perfection. Hein. Parce que tammat, ça peut vouloir dire qu'elle s'est accomplie, ça peut aussi vouloir dire qu'elle est tam, qu'elle est parfaite. Hein? Et donc le cheikh il explique ici donc qu'il n'y a rien dans la parole d'Allah qui est mensonger. Il n'y a pas de mensonge dans la parole d'Allah. Il n'y a pas d'injustice dans la parole d'Allah. Il n'y a pas de choses qui seraient laides ou obscènes ou mauvaises dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute sa parole est parfaite et ses paroles sont les plus parfaites. Hein? Et elles sont parfaites dans tous les sens de la perfection. Et si tu regardes également le contexte, hein, et la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala énonce les choses, tu trouves que c'est la façon la plus parfaite, hein, d'énoncer et de prononcer et d'expliquer les choses. De même que dans le sens, lorsque tu regardes la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois que c'est le sens le plus parfait. Donc, lorsque tu regardes à tout ça, le lien qu'il y a entre les énoncés et la façon dont les choses sont énoncées et entre les significations de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, eh bien, tu constates que c'est la plus belle façon et les plus belles significations. Et le cheikh il dit que si il arrive que tu ne sois pas capable de comprendre une parole, hein, parmi les paroles d'Allah, alors dans ce cas-là, accuse ta propre compréhension et n'accuse pas les versets. Et ne dis pas comment telle ou telle chose parmi les choses dont Allah nous a informé, pourquoi Allah a-t-il dit telle chose ou telle chose, ou comment telle chose a été dite de telle façon, puisque si tu n'arrives pas à comprendre une signification, ce n'est pas à cause des paroles d'Allah, puisque les paroles d'Allah sont complètes et parfaites, mais c'est plutôt à cause de la limite de ta compréhension, hein, et à cause de ton manque à toi par rapport une défaillance ou un défaut qu'il y a dans ta compréhension et non pas dans la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit les choses. Une autre chose aussi que le cheikh explique en ce qui concerne la justice dans les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa qawluhu 'adlan fil ahkam fa ahkamuhu kulluha 'adilatun laysa fiha jawrun sawa'un al ahkam at taklifiyyah أو الأحكام الجزائية فإن كلها عدل، والأحكام الجزائية يعني الثواب والعقاب فهي بين أمرين لا ثالث لهما، وهما العدل والفضل. العدل جزء، العدل جزاء، جزاء سيئة سيئة مثلها، فالفضل الحسنة بعشر أمثالها، فكلها عدل. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces règles sont des règles de justice. Toutes les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées dans sa révélation et qu'il nous a fait connaître par sa parole sont des règles de justice dans lesquelles il n'y a aucune forme d'oppression ou d'injustice. Peu importe que ce soit les règles au sujet des charges religieuses ou que ce soit concernant les règles par rapport aux peines et aux punitions ou à la rétribution. Hein, la rétribution pour les œuvres, soit la récompense ou la punition. Et on voit que en ce qui concerne les questions qui ont rapport avec la rétribution, elle se situe entre deux choses. Il ne peut pas y en avoir une troisième. C'est quoi ces deux choses? C'est la justice ou l'excellence, ou bien plutôt yani qu'est-ce qui est au-dessus de la justice même. C'est-à-dire que les règles d'Allah sont soit justes ou soit elles dépassent la justice. Elles deviennent une forme d'excellence et de mérite. Et il explique qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire al-fadl ici dans le sens de la grâce en réalité. Donc c'est soit la justice ou entre la justice et la grâce. Les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne la rétribution sont entre la justice et la grâce. Et il explique que la justice, c'est de punir un péché c'est-à-dire il punit un péché pour le péché qui a été fait. C'est-à-dire que si quelqu'un commet un péché ou fait une mauvaise action, il est puni pour cette mauvaise action-là seulement. Hein? Tandis que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la rétribution, c'est quoi? C'est dans la récompense. C'est que chaque bonne action que tu fais, il multiplie la récompense et la valeur de cette bonne action-là. Donc, on voit que dans la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala, il dépasse la justice. Il fait même preuve de grâce envers ses serviteurs. Comme par exemple, si tu fais un péché, il te punit pour le péché que tu as fait seulement. Il ne va pas te rajouter plus de punition ou plus de châtiment. Tandis que si tu fais une bonne action, il ne te récompense pas seulement pour une seule bonne action, mais il te donne la valeur de 10 hein, récompenses pour cette bonne action-là, ou même plus, hein, selon l'intention de l'action. Donc, tout ça, c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, ses règles dans la religion, et en particulier dans les questions de rétribution, eh bien, c'est soit de la justice ou bien de la grâce. Et il dit ensuite, hein, l'autre point qu'il explique, c'est la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole, la beauté des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la façon dont il énonce les choses. Et la formulation, la façon dont il formule les règles et les choses, eh bien le cheikh il dit wa qawluhu wa husnan fil hadith fala haditha mithlu kalamillahi yu'adiluhu fil husni wa fil balagha wa fil mawdu' alladhi yatakallamu fihi wa fi kulli shay wal husnu na'khudhuhu min qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd fa inna khayra al hadithi Kitab Allah. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, c'est hein, la façon dont il formule les choses et comment il dit les choses, c'est la façon la plus belle. La façon la plus belle, et il n'y a pas aucune parole qui peut être équivalente ou être égale à la parole d'Allah dans sa beauté, dans son éloquence, et dans le sujet, hein, dans, duquel il parle, et dans toute chose. Et donc le cheikh, il dit que la beauté, et le fait que cette parole d'Allah, c'est la meilleure parole et la plus belle, on peut le tirer de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Khutbat al-Hajjah, le discours qu'il faisait à chaque introduction, hein, l'introduction qu'il mentionnait au début de chaque discours. Il disait toujours amma ba'd fa inna khayra al-hadith kitabullah. Ou bien des fois il dit fa inna khayra al-kalam kalamullah. Donc la meilleure parole est le livre d'Allah, hein, la meilleure parole est le livre d'Allah. Et ensuite, en ce qui concerne le verset que le cheikh a cité ici, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, le verset 115 dans sourate Al-An'am, le cheikh il l'explique et il dit wa tammat, hein, maftuhatu at-ta, na'am, والصواب كذلك والصواب كذلك وتمت كلمة ربك مفتوحة التاء عفوا وتمت كلمة ربك. Donc le cheikh dit وكلمة كلمة يعني مفتوحة مفتوحة التاء والصواب كذلك نعم لأن فيها قراءة فيها قراءة وتمت كلمات ربك وتمت كلمات ربك صدقا ولا تتطابق كلمات مع كلمة في الرسم إلا إذا جعلت التاء مفتوحة. أي نعم. Donc, le cheikh il explique ici un point qui a rapport avec la récitation, c'est qu'il y a deux récitations par rapport à ce verset-là, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, et dans l'autre récitation, كَلِمَةُ رَبِّكَ, c'est-à-dire au pluriel. Hein? Et donc, le terme kalima ici, qui termine avec le ta. Et donc, c'est pour expliquer que dans si c'était au singulier kalima, comme ça s'écrit en arabe avec le tamarbouta, hein, il y aurait une différence entre les deux récitations. Et donc, la seule façon dont on peut réunir ces deux récitations-là, c'est si on met le ta ouvert. C'est-à-dire, il n'est pas fermé le ta, comme lorsqu'il est écrit dans la façon qu'on dit tamarbouta. Le ta qui est attaché. Hein? Naam. Bon, ça c'est un petit détail. Yani. Le cheikh il dit ensuite Sidqan, hein, tamiz, amiluha tammat. Ay, tamma sidquha, wa tamma adluha. Falladhi yaliqu an yusafa bis sidq hiya al-akhbar. والذي لا والذي يليق أن يوصف بالعدل هي الأحكام فيكون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. Donc il dit, il explique le cheikh ici que sidqan c'est tamiz, le hukm dans la grammaire ici c'est que c'est pour distinguer, hein, et il explique que qu'est-ce qui est qualifié comme étant sidq, parce que le terme sidq en arabe ça veut dire véridique, véridique, hein, sincère, véridique. Et ici, qu'est-ce qui est décrit dans le verset comme étant véridique? Eh bien, c'est, ou bien qu'est-ce qui est décrit ici comme étant complet, hein, ou accompli? Hein, ici, c'est la qu'est-ce qui est complet, qu'est-ce qui est parfait? Ici, c'est la véracité. Hein, le fait d'être véridique. Donc la véracité des versets et des règles, elle est complète et parfaite. De même que la justice des règles qui sont mentionnées dans la parole d'Allah sont, c'est une justice qui est complète et parfaite. Hein? C'est ça qui est expliqué ici par le cheikh. Il dit ensuite, il y a un autre verset qui est mentionné à la suite de celui-là, c'est le verset 87 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, ce qui signifie et qui est plus véridique que Allah en parole, hein, en parole. Et le cheikh il dit ensuite, donc on va expliquer donc ce verset là puis après on va lire la suite. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit قوله ومن أصدق من الله حديثا من اسم استفهام والمقصود بها النفي وكلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان أعظم من النفي المجرد لأن الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب بالتحدي بأن كأن المتكلم يقول إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه لي. فقوله ومن أصدق من الله حديثا أبلغ مما لو قيل لا أحد أصدق من الله حديثا, لأن الاستفهام هنا يعني التحدي. Donc le cheikh il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ce verset en disant et qui est plus véridique qu'Allah en parole, eh bien le cheikh explique que le fait de poser la question ici, hein, en disant وَمَنْ أَصْدَقُ, il y a dans ça une négation en réalité, et cette négation elle a un sens plus fort encore que si on faisait une simple négation en disant personne n'est plus véridique que Allah en parole. Et la raison de ça, c'est parce que lorsque on pose une question, on fait une phrase interrogative dans le sens de la négation, eh bien il y a en plus de la négation le sens de wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, at-tahaddi en arabe. At-tahaddi, ça veut dire c'est comme si on lançait un défi, c'est comme si on challenge quelqu'un, on défie quelqu'un. Et donc ici c'est comme si on disait Je te défie de trouver quelqu'un qui serait plus véridique que Allah. Je te défie, hein, de que si tu connais quelqu'un qui serait ou quelqu'un qui serait plus véridique que Allah, de m'en informer. Et donc c'est encore plus fort que la simple négation ici. Et le cheikh dit wa qawluhu wa man asdaqu الصدق يقولون إن معناه الإخبار بما يطابق الواقع ولا خبر يطابق الواقع أكثر من خبر الله عز وجل. وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله, لأن وصف الصدق لا ينطبق إلا على الخبر, فيكون الله تعالى متكلما بالقرآن خبرا ومتكلما بالقرآن تشريعا. Donc le cheikh explique ici que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit personne, hein, c'est comme s'il dit et qui est plus véridique. Le terme sidq en arabe, on dit que ça signifie que l'information qu'on a mentionnée est en accord avec la réalité. Elle est en accord, elle correspond à la réalité. Donc, il n'y a pas une information qui correspond plus à la réalité que l'information qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans la description de la parole d'Allah ici comme étant une parole véridique, hein, et de dire que les mots ou les paroles que Allah prononce sont des paroles véridiques, il y a dans ça la preuve que le Coran est la parole d'Allah, hein, parce que la description comme étant véridique ici, hein, elle ne peut être appliquée ou ne peut applicable que lorsqu'on parle d'une information. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on mentionne un énoncé, une information qui est un énoncé, que on peut dire si quelque chose est véridique ou non. Hein? Si je te dis, par exemple, si je te dis, il fait soleil dehors, quelqu'un peut dire oui, c'est vrai, ou non, c'est pas vrai. D'accord? Ça, c'est une information. On peut la nier, on peut la confirmer. Si c'est vrai, on peut la confirmer. Si c'est faux, on peut la nier. Et donc, c'est ça qu'on appelle en arabe un khabar. Khabar, c'est quelque chose qu'on peut vérifier, ou quelque chose qui peut être vrai ou faux. Hein? Mais quand c'est la parole d'Allah, ça ne peut être que la vérité. Tandis que une parole, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quelque chose comme une règle, un ordre ou une interdiction, dans des exemples comme ça, on dirait pas vrai ou faux dans ces cas-là. Quand je dis ça, c'est dans le sens que si Allah il dit aqim as-salat, établis la salat, tu vas pas dire que ça c'est une information qui est vraie ou fausse. Ça c'est un ordre. Et les ulama, ils font une différence entre al-khabar ou al-insha. Al-insha, c'est qu'est-ce qui en découle, une action, quelque chose que tu fais. Tandis que al-khabar, c'est qu'est-ce qui découle du fait que tu reconnais la véracité de ce qui est mentionné. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui parle dans le Coran. Et qu'est-ce qu'il nous a donné comme information dans le Coran? C'est la vérité. Et c'est lui qui parle dans le Coran lorsqu'il nous ordonne de faire certaines choses ou de nous abstenir de d'autres choses. C'est lui qui parle également. Donc la parole d'Allah comprend des informations et comprend des ordres également. Ensuite, le cheikh, il explique la suite de ça. La suite de ce passage, il dit: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا. C'est-à-dire que le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Ça veut dire: nous croyons que le noble Coran est réellement est la parole d'Allah. Nous croyons que le Coran est la parole d'Allah et qu'il l'a parlé, il l'a prononcé réellement. Hein, c'est lui qui l'a réellement prononcé. Il dit ensuite: وَأَلْقَاهُ إِلَى جِبْرِيلِ فَنَزَلَ بِهِ جِبْرِيلِ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Donc la suite de ce qu'il dit ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a transmise, hein, cette parole à l'ange Gabriel, qui lui-même est descendu avec cette parole pour la mettre dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite le verset dans Sourate. Le verset 102 dans Sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, Jibril, qui l'a fait descendre en toute vérité de la part de ton Seigneur. Naam. Donc on va lire l'explication de ce verset, de cette parole et de ce verset. Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, قوله ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله القرآن الكريم كتاب الله تعالى والكرم في القرآن يشمل كثرة الثواب في قراءته وكثرة الخيرات في العمل به والحسن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم أي أحاسنها فالقرآن الكريم وصف بالكرم لهذه الأسباب الثلاثة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il explique que lorsque l'auteur il dit nous croyons que le Coran al-Karim le Coran al-Karim on le décrit comme étant Karim et il explique que c'est la parole d'Allah. Le Coran al-Karim c'est la parole d'Allah et on l'appelle le Coran Karim, on dit qu'il est Karim. Pourquoi? Parce que le cheikh dit parce que ça veut dire dans quand on dit que le Coran est Karim, ça comprend trois significations ou trois choses. La première, c'est que il y a beaucoup de récompenses à le lire. Al-karam fi kathrati thawab fi qira'atihi. Donc il y a beaucoup de récompenses quand on le lit. Et on l'appelle Karim également pour le fait que lorsqu'on le met en application, il y a dedans beaucoup de bien. Quand on le met en application, il y a beaucoup de bien. Et aussi Karim dans le sens de la beauté et le fait que ce soit yani que tout ce qui est dans le Coran, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de meilleur. Et l'exemple de ça, c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il leur a dit de faire attention et de prendre garde de ne pas prendre le meilleur de leurs biens. وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Donc les gens, par exemple, qui vont pour prendre la zakat, lorsqu'ils vont prendre la zakat, ils vont pas prendre ce qu'il y a de meilleur, puis ils vont pas prendre ce qu'il y a de moins bon, mais ils prennent qu'est-ce qui est entre les deux, qu'est-ce qui est moyen dans la zakat. Donc le terme ici karaim, c'est le pluriel de yani karim, et ça veut dire qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Donc ici, le terme, quand on définit le Coran, quand on dit on décrit le Coran comme étant Al-Qur'an ou Al-Karim, c'est dans ce sens-là. Et souvent, on traduit le terme Al-Qur'an ou Al-Karim par le noble Coran, le noble Coran. Donc ça, c'est seulement un aspect de la signification du terme ici de Al-Karim en français. Tu voulais dire quelque chose à Hakim? وإياك وكرائم أموالهم. C'est ça. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont des biens, dans la zakat, quand les gens vont aller pour recueillir la zakat, ils vont pas prendre qu'est-ce qu'ils ont de meilleur. Ils vont prendre ce qu'il y a comme, disons, qualité moyenne. Qu'est-ce qu'il y a? Il va pas prendre le meilleur, il va pas prendre le pire. Il va prendre qu'est-ce qui est entre les deux. D'accord? Après le cheikh il dit wa awsaful Qur'an fil Qur'an kathira. Awsaful Qur'an fil Qur'an kathira. Wa qad wusifa bi annahu karim wa bi annahu majid wa bi annahu azim ila ghayri dhalik. Donc les descriptions du Coran et les qualificatifs du Coran sont nombreux dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le Coran comme étant Karim, il décrit le Coran comme étant Majid, il décrit le Coran comme étant Azim, Azim c'est grand, Majid majestueux, Karim c'est noble. Donc il y a beaucoup de termes qui définissent, ou bien plutôt qui décrivent le Coran dans le Coran lui-même. Et le Cheikh Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, rahimahullah, فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة والدليل على أنه كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله في سورة التوبة فالمراد بكلام الله هنا القرآن بلا شك ولا يمكن أن يقال إن المراد به كلام الله تعالى الذي يسمعه المشرك من السماء فإن المشرك لن يسمع إلا ما نزل من القرآن ولا يمكن أن يسمع كلام الله من فوق سبع سماوات أبدا فعلى هذا تكون الآية نصا صريحا في أن هذا القرآن كلام الله عز وجل وفاتنا أن نذكر هذا الدليل في متن الكتاب لأنه نص صريح. Donc le cheikh il dit, le Coran c'est la parole d'Allah et Allah l'a prononcé réellement. Et la preuve que c'est la parole d'Allah, c'est dans le verset 6 dans sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il explique, il dit: si un d'entre les mushrikines te demande la protection, c'est-à-dire que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme aujourd'hui par exemple, les gens quand ils veulent aller quelque part ou ils veulent rentrer dans un pays, ils peuvent pas rentrer dans le pays comme ça. Tu peux pas rentrer où tu veux comme ça dans n'importe quel pays, tu dois avoir un visa. Tu dois avoir un visa qui indique que tu as la permission de rentrer. D'accord? Eh bien, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas nécessairement des visas comme aujourd'hui. Mais il y avait qu'est-ce qu'on appelle le fait de donner à quelqu'un l'aman. Et les gens, par exemple, ils disaient: tu as notre protection, tu peux passer dans notre territoire en toute sécurité. Personne va te toucher du moment que tu vas, wa alaykoum salam, du moment que tu mentionnes aux gens que tu es venu que tu es entré dans ce pays, que tu es sous notre protection. Donc il y a personne qui peut t'agresser, il y a personne qui peut te faire du tort. D'accord? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit: et si un d'entre les mushrikines, il te demande la protection pour rentrer dans le territoire des musulmans, alors il lui dit: donne-lui ta protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis en la suite du verset thumma ablighu ma'mana, c'est-à-dire puis amène-le dans son lieu de sécurité, c'est-à-dire amène-le là où il veut aller. Et ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Donc c'est pour dire que si un d'entre les mouchriquins, il te demande la protection, il veut passer dans le territoire des musulmans, alors oui, donne à ce mouchriq la protection, que tu vas le protéger, que personne ne va l'attaquer ou porter atteinte à sa vie ou à ses biens ou à quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Et le cheikh dit, ça c'est la preuve que ce que le mouchriq va entendre, c'est la parole d'Allah. Quand il va entendre le Coran, c'est ça la parole d'Allah. C'est pas la parole qui est entendue au-dessus des sept cieux. Parce que le mushrik, il va pas entendre la parole d'Allah au-dessus des sept cieux. Qu'est-ce qui est désigné comme étant la parole d'Allah dans ce verset-là? C'est la parole d'Allah que les musulmans récitent quand ils font la salat. Et ainsi de suite. Et souvent, des mushrikines, ils entendaient juste entendre la parole d'Allah, ils entendaient le Coran, tout de suite ils acceptaient l'islam. Parfois, ça leur prenait juste le temps d'entendre un verset. Et je me rappelle d'une histoire d'un d'entre les mushrikines qui avait été pris prisonnier. Il avait été fait prisonnier dans la guerre contre les musulmans. Et pendant qu'il était parmi les musulmans, il a entendu dans la prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le verset Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Hein, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset là à propos des êtres humains, est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien, ou bien est-ce que ce sont eux-mêmes les créateurs, est-ce que ce sont eux qui ont créé les cieux et la terre eux-mêmes? Bal la yuqinun, et ils n'ont pas de certitude à ce sujet là. Hein, c'est pour dire beaucoup de gens parmi les athées et les kuffars, ils refusent de reconnaître l'existence de leur créateur, ils refusent de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et quand tu leur poses la question à propos de qui a créé les cieux et la terre, ils savent très bien que c'est pas eux-mêmes qui l'ont fait. Ils savent aussi que le monde ne peut pas se créer tout seul. Donc ça, c'est des arguments que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne pour amener les gens à reconnaître la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à leur créateur. Et le mushrik, il y a un d'entre eux qui s'est converti à l'islam. Quand il a entendu ce verset-là, il a dit « Quand j'ai entendu ce verset, j'ai senti mon cœur comme s'il voulait s'envoler. Hein? » Puis il s'est converti à l'islam. Juste en entendant cette parole d'Allah. Donc c'est pour dire, yani, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, hein, s'ils veulent passer parmi les musulmans, ils veulent passer sur le territoire des musulmans, donne-leur la sécurité de passage et puis laisse-les, donne-leur l'opportunité et l'occasion de pouvoir entendre le Coran, de faire entendre la parole d'Allah, puis laisse-les aller à leur destination par la suite. Donc c'est pour dire que yani, ça c'est la parole d'Allah réellement. Et le cheikh il dit que ça c'est un texte et un verset qui est une preuve explicite que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني تكلم به حقا. Le cheikh dit وقوله تكلم به حقا يعني ليس وليس عبارة عن كلامه كما قال بذلك الأشاعرة حيث قالوا إن القرآن ليس كلام الله ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس فنقول نحن إن الله تعالى تكلم به حقا. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a réellement prononcé cette parole. Cette parole, c'est sa parole réelle. Hein? C'est lui-même qui l'a prononcée. Et ce n'est pas une expression de la parole d'Allah, contrairement à ce que disent la secte des Asha'ira. Parce que eux, ils disent que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah, mais une expression de la parole d'Allah. Hein? Parce que selon eux, la parole d'Allah, c'est ce qui est établi à l'intérieur de la personne. Et non pas ce qui est audible. Donc, ils ne croient pas que le Coran hein, soit la parole d'Allah. Et donc, le cheikh dit, nous, par contre, nous disons que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui l'a réellement prononcé cette parole. Hein? Et il dit, وَالْأَشَاعِرَ يَقُولُونَ إِنَّ الْكَلَامَ هُوَ الْمَعْنَى الْقَائِمْ بِنَفْسِهِ لِقَوْلِ الشَّاعِرِ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وقال الله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول والجواب عن ذلك من وجهين أما الأول فكلام نصراني غير معتبر البيت الذي ذكره الشيخ هذا البيت يعني يذكره الأشاعرة الأشاعرة تذكر هذا البيت كدليل على أن الكلام أصله يعني يقولون الكلام هو ما في الفؤاد وجعل اللسان عليه دليلا وهذا كلام نصراني كلام شاعر نصراني فلا يستدل به ولا لا يعتبر. والدليل الثاني معنى الكلام في الفؤاد الكلام في الفؤاد أن الكلام الحقيقي المعتبر ما كان صادرا عن الفؤاد من القلب أما الكلام كلام كلام المجنون والهاذي وما أشبه ذلك فإنه ليس بكلام، فالقلب يقدر أولا ثم يعبر عنه اللسان، لكن هل تقديرات القلب تعتبر كلاما؟ فإنه إلى الآن لم يتكلم الرجل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فلم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث يعني حديث النفس كلاما، فيرد على هذا من هذين الوجهين. أما قوله ويقولون في أنفسهم فهنا قيد الكلام، قيد القول فقال يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ولو قال يقولون لولا يعذبنا الله فهل هذا يعني في النفس أو في اللسان؟ الجواب في اللسان. Donc le cheikh il répond à ces deux arguments et ces deux ambiguïtés. Okay. Il répond à ces deux ambiguïtés par rapport à la première. C'est quoi la première? C'est la parole du poète chrétien qui dit que la parole elle est dans le cœur et on a seulement mis la langue comme indication de ce qui est dans le cœur. Ça c'est un poème que un chrétien arabe a cité. Puis les Asha'ira, les gens de la secte des Asha'ira, l'utilisent comme argument pour justifier que la parole d'Allah, c'est qu'est-ce qui est établi à l'intérieur d'Allah, en lui. Mais que la parole du Coran, le Coran qu'on récite, ça c'est pas la parole d'Allah pour eux. Allez. C'est parmi leurs faux arguments. Aussi, un autre argument qu'ils ramènent, c'est le verset dans Surat al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. Ils disent en eux-mêmes لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهِ بِمَا نَقُولُ. Donc, le cheikh, il répond à ces deux arguments que ces gens-là ramènent. La première en disant que, premièrement, le poème qu'ils ont cité, c'est un vers d'un poème écrit par un chrétien. Donc, de un, on ne se base pas sur la poésie pour établir des règles de la croyance ou pour comprendre la croyance islamique, ça c'est de un. Et deuxièmement, en plus, ce poète, c'est un chrétien. Donc, on sait que les chrétiens, dans ce qui a rapport avec les croyances, ils ont des gros problèmes dans leur aqida. Donc, on ne peut pas prendre ce poème-là comme une preuve ou comme une référence. Deuxièmement, le fait qu'ils disent ici que la parole est dans le cœur. Le cheikh il dit, est-ce que la parole c'est réellement ce qui est dans le cœur? Si quelqu'un par exemple il se dit quelque chose à lui-même dans son cœur, ça c'est une pensée, c'est pas une parole. Sinon, il y a plein d'exemples qui peuvent prouver que ça c'est pas une parole, puisque si tu te dis à toi-même ou tu parles dans ton cœur et tu dis quelque chose à quelqu'un mais dans ton cœur, puis après la personne, tu lui dis mais pourquoi ça fait une heure que je te parle dans mon cœur et puis toi tu me réponds pas, la personne elle va dire mais tu m'as pas parlé, même si je t'ai parlé dans mon cœur, ça c'est pas une parole. Donc le cheikh il explique que ça c'est des arguments, c'est pas un argument pour justifier que le Coran c'est pas la parole d'Allah, puisque la parole du cœur ou la parole qui est à l'intérieur d'une personne, ça c'est pas une parole réelle, c'est pas une parole. Et il donne l'exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète a dit Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ma umma ce qu'elle se dit en elle-même tant qu'elle ne le met pas en application et tant qu'elle ne le prononce pas. Donc ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il se dit une parole en lui-même, hein, de quelque chose de mal, il a une mauvaise pensée ou il a une mauvaise parole en lui-même et qu'il ne, là, il ne le met pas en pratique, puis il ne le dit pas, il ne sera pas puni. Naam. Donc on voit dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tant que vous agissez pas et que vous ne parlez pas de ce que vous avez en vous-même comme mauvaise pensée ou comme mauvaise intention, Allah va pas vous punir pour ça. C'est la preuve que les idées ou les choses qu'on se dit en soi-même, ce ne sont pas des paroles, hein. Donc ça réfute l'idée que les Asha'ira ont que yani la parole d'Allah pour eux, c'est ce qui est à l'intérieur d'Allah. Ça c'est quelque chose qui vient en contradiction même avec la signification de la parole même dans la langue. Et en ce qui concerne le verset wa yaquluna fi anfusihim, il dit que ça c'est la preuve même, le verset est une preuve contre eux en réalité, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a spécifié que ce qu'ils disent, ils le disent en eux-mêmes. Et s'il avait seulement dit wa yaquluna law la yu'adhibuna Allah bima naqul, sans mentionner qu'ils le disent en eux-mêmes, hein, est-ce que ça aurait été une parole de intérieure ou une parole de la langue? Hein, si Allah avait juste dit et ils disent telle chose, eh bien ça aurait été considéré comme une parole qui est dite avec la langue, pas une parole qui est dite à l'intérieur de soi-même. D'accord? Donc il n'y a pas de preuve donc que la parole c'est ce qui est en soi-même dans ce verset-là. C'est plutôt le contraire. C'est que la parole, en général, c'est une parole qui est dite avec la langue, excepté si on mentionne qu'elle est dite en nous-mêmes. Là, dans ce cas-là, on peut comprendre que ce n'est pas une parole audible, mais que c'est une parole qui est mentionnée dans la personne, en soi-même. Donc, c'est pas réellement une parole, mais c'est plutôt une pensée dans ce cas-là. Hein? Donc j'espère que ça c'est juste un point qui est important à comprendre juste par rapport à l'égarement que les Asha'ira ont à propos de cette question de la parole, parce que c'est ça leur aqida à propos de la parole d'Allah, que la parole d'Allah, ils disent c'est une expression, le Coran c'est une expression de la parole d'Allah, mais pas la parole d'Allah elle-même, hein. Donc ça fait partie des égarements des Asha'ira. OK, le cheikh dit wa nu'minu bi anna al-Qur'an kalam bi anna al-Qur'an al-Karim kalam Allah. Jarat fi hadha al-mu'taqad fitan 'azima 'ala 'ahd al-Ma'mun. Fa min al-'ulama' man salaka janib ar-rukhsa wa qala innahu makhluqun khawfan 'ala nafsihi min al-qatl aw al-habs. Wa ta'awwala fi dhalika qawl Allah ta'ala illa man ukriha وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن العلماء من تأول في التأويل مندوحة عن الكذب، فكان يقول إذا سئل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه كلها مخلوقة يتأول أصابع يديه. ومنهم من صمم وقال القرآن غير مخلوق كالإمام أحمد رحمه الله، وهذا واجب عليه، أي على الإمام أحمد أن يصمد ويقول القرآن غير مخلوق ولو قتل، لأن المقام في هذه الحال مقام جهاد. والإمام أحمد رحمه الله لو قال إنه مخلوق لكان الناس كلهم يقولون إنه مخلوق، وهذا حرام. فلذلك نقول من أكره على الكفر قولا أو فعلا فإن كان إماما حرم عليه أن يوافق لا تأويلا ولا إكراها، لأن الناس يقتدون به ويأخذون عنه، وأما إن كان إنسانا عاديا فله رخصة إما بالتأويل أو بالإكراه. يعني الشيخ explique un point intéressant ici, c'est que Le cheikh, il dit que nous croyons donc que le noble Coran, c'est la parole d'Allah. Et à propos de cette croyance-là, il y a eu des grandes épreuves dans la Ummah. En particulier à l'époque de Al-Ma'moun, il y a donc eu certaines différences d'attitude entre les ulama par rapport à cette grande épreuve. C'était comme un genre d'inquisition en fait. Al-Ma'moun, à son époque, il a approché de lui les Mu'tazila, les gens de la secte des Mu'tazila. Et les Mu'tazila, ils ne croient pas aux attributs d'Allah. Ils ne croient pas que Allah parle. Et ils ne croient pas que le Coran est la parole d'Allah. Ils disent que le Coran est makhlouq, créé. Et donc, ils ont forcé tous les savants, tous les grands ulama, ils leur ont imposé de dire que le Coran est créé. Et ceux qui refusaient étaient soit torturés, emprisonnés ou tués. Alors, certains ulama ont pris la permission qui est donnée par la charia lorsqu'on est sous la peur et la contrainte de dire cette parole. Parce qu'ils se sont dit, je suis dans une situation, je risque d'être tué. Donc, ils ont pris la permission qui est mentionnée dans le verset 106, dans Sourate An-Nahl, hein, que lorsqu'on est sous la contrainte et qu'on nous force de dire une parole de kufr, qu'on a la permission de le dire dans ce cas-là, pour sauver notre vie. Et il y a l'autre attitude de certains ulama qui ont utilisé une ruse pour se sortir de cette impasse. Ils ont dit, par exemple, en pointant leurs doigts, ils ont dit la Torah, hein, ils ont dit la Torah, l'Injil, والزبور والقرآن كلها هؤلاء الأربعة مخلوقة. Mais lui, quand il dit مخلوقة, il indique ses doigts, que ses doigts sont créés, et non pas les livres qu'il a cités. Mais c'est une ruse en fait pour dire, pour éviter d'être tué ou emprisonné, au lieu de dire directement que le Coran il est pas créé, que c'est la parole d'Allah. Il utilise cette ruse. Il dit, il pointe ses doigts et dit « At-Torah, wal-Injil, wal-Zabur, wal-Qur'an, kulluha makhlouqa. » Puis qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui est créé? C'est pas les livres. C'est pas la parole d'Allah. C'est les doigts. Hein? Donc ça, c'est une ruse que certains ulama ont utilisée pour éviter l'emprisonnement et la torture. Et d'autres, parmi les ulama comme l'imam Ahmad, lui, non. Il a été ferme et il a affirmé non, le Coran c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Et il a été ferme, il a affirmé la vérité, et à cause de ça il a été torturé, il a été emprisonné pendant de longues années, presque une vingtaine d'années, hein, à cause de ça. Mais c'est juste pour vous dire que le cheikh, il explique ici, il dit pour l'imam Ahmad c'était une obligation de rester ferme. Et la raison pour laquelle c'était une obligation pour lui, c'est parce qu'il était un imam. Tout le monde le prenait comme un exemple. Et tout le monde se référait à lui dans la croyance et dans la religion. Donc s'il avait affirmé que le Coran est créé, s'il avait accepté d'affirmer la parole des Mu'tazila, que le Coran est créé, tout le monde l'aurait suivi. Hein? Donc il était obligatoire pour lui de refuser de dire cette parole et de rester ferme. Tandis que les autres, parmi les musulmans ordinaires, ou ceux parmi les ulama, mais qui ne sont pas des références ou des imams, eh bien, eux, ils ont pris la permission, hein, pour éviter la fitna. Mais, yani, c'est comme on dit, c'était permis pour eux, mais pour l'imam Ahmad, même s'il se serait fait tuer, ce n'était pas permis pour lui de dire cette parole. On va s'arrêter ici pour ce cours et on continuera la semaine prochaine, inshallah, la suite de cette explication là. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.